Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Le 25 février 1966, Duke Ellington débarque au château de Goutla dans la Loire pour aider la poignée de jeunes gens humanistes qui cherchent à reconstruire la vieille bâtisse. Et dans la salle des fêtes trône un vieux Steinway livré par l'Opéra de Lyon et grâce au metteur en scène Roger Planchon. Alors avant de jouer, Duke Ellington prononce ces quelques mots. J'ai été accueilli dans une multitude d'endroits, mais jamais dans un lieu comme Goutla. Je suis heureux et fier d'être ici dans une maison qui a été bâtie et rebâtie par des gens de bien. Pour une bonne cause, je vous salue, frères. Soi-même, Natural Self, nous sommes en 2008. Bienvenue sur le Dance Floor de la nuit des temps et vous êtes sur Radio Dio. La nuit des temps, Radio Dio.

got the John Wayne shit, man. Fucking gun all up in the 007 compartment, man. Damn. I'm gonna get that gun, and then I'm gonna get that money. Now I'm gonna be he got in the chain. Oh, yeah? We'll just see about that. There's nothing to do. Nobody's around. You know how it is. La nuit des temps, l'international de la danse. Dans la spéciale Louise Michel. On la remet ce soir car nous sommes nous aussi un peu maniaques. Audrey Danza, Judy Larsen, Easy Dreaming, et c'est 2022. We'll be right back. La nuit des temps, Radio Duo. Un duo basé à Oakland, en Californie. Take a trip. Et c'est notre mantra, à la fois jazz et disco, ce soir dans la nuit des temps. En club, nous sommes en 2023. We'll be right back. Dan McNamee assiste à un concert des Daft Punk en 2007 et c'est le choc. Alors il appelle ses potes et décide de monter un groupe. Art versus science. Et nous sommes à Sydney, en Australie. Pour les plus téméraires, ce programme est un remix. Oui, tous ces sons, vous les avez peut-être déjà entendus, mais ils nous mettent tellement en joie. Alors on a décidé de faire un second tour de piste. Un second Ride on Time. La nuit des temps. For ordinary people. Jazz is ordinary people. It's the music of the young. Every time young people invent music, everybody hates it. Train fait référence à la ligne A du métro de New York qui permettait de rejoindre Harlem, le quartier où vivait Duke Ellington. Nous sommes en 1941. Don't you to all, invite you to listen to music as played for you by Duke Ellington and his famous orchestra in a program that comes to you now from the Hurricane. 49th Street and Broadway in New York City. Music played for you by the Duke. En 1977, non seulement Stevie Wonder rend hommage à Duke Ellington, mais aussi à Louis Armstrong, Glenn Miller, Count Basie et Ella Fitzgerald. Sir Duke. Music is a world within itself, with a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands. Just because the record has a groove don't make it in the groove, but you can tell right away in Dr. A when the people start to move. Duke Ellington, John Coltrane. Nous sommes en 1963. La nuit des temps, Radio Duo. sister of the airport. Oh, like a dream you gave me. Tell me, I heard about the way you turn around. I heard the only teaching. I felt the sunset fall beneath the clouds. I felt myself Mais oui, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Une émission qui était inspirée et programmée sur site, là-haut dans le Nord, là où se tenaient les murs de l'ancien cinéma L'Eden, qui a donné naissance par la suite à ce merveilleux club qu'était la Nuit des Temps. Et pour fêter ça, nous avons accueilli Duke Ellington en powerplay cette semaine, avec son château de Gutelaar. Natural Self. Qui ne rêve que d'ascension vers les plus hauts sommets. Dinos et son Tulum, Tulum, Tulum. La rue des rats avec Sten. Le domino désormais célèbre de Mid. Il y avait également de l'Easy Listening. Nous avons aussi l'Easy Dreaming. Audrey Danza. Et tous ces rêves faciles sont prolongés par Bridjan et son Take a Trip. Ou encore l'art de la danse versus l'art de la science. Ou le Run on Time des années 90. Et pendant ce temps-là, Berlioz rendait un vibrant hommage au jazz. Et nous avons bondi vers John Coltrane et Stevie Wonder pour redonner des couleurs au groove, vibrant, dansant, chantant, scintillant, déconnant, décollant. En un mot, bien vivant. Dans quelques instants, vous allez retrouver les démineuses avec les dernières infos rigolotes sur ce qui se passe sur Saint-Étienne. Alors je sais pas quoi en penser, il y en a une qui est verte, l'autre qui est blanche. On va écouter, on va voir. Alors en attendant la jonction en direct entre nos deux programmes sur Duo, eh bien oui, c'est l'heure de lever les yeux vers le ciel. Et si ce soir les étoiles scintillent, c'est bien par la grâce des rythmes de la samba. Et c'est la samba des étoiles, dans le ciel, dans nos cœurs. Buena notte, salut! La nuit des temps, l'international de la danse.